Encore une énième plainte à l'apogée de mon averse des mots, c'est la rue et des rimes. Moi je cherche toujours l'émeraude, je cherche des mots quand je galère à Peyrade font les roues. Ancré à ma vie parisienne, à Caen une villa dans l'Hérault. Je m'évadais profiter de ma vie pour qu'elle soit moins rapide, vu que le mic est ma seule thérapie. Je me dis s'il te plaît, non arrête de t'y voir quand tu vois que le seul backer est le reflet de mon miroir. Je m'amuse en passe-passe, en schizophrène chronique, maladif à en mourir. Un cœur électronique, car je trouve pas le temps de rire. Même entre deux délires, je vois toutes tes secondes qui défilent et aucune me délivre. J'en ai marre de crier, j'en ai marre de prier. Je veux avoir des réponses dans un discours approprié. Et c'est à peu près tout, je veux qu'on inverse les rôles, car j'ai plus rien pour me couvrir face à mon inverse des mots. On avance à contre-courant, à se noyer seul dans nos peines. On fait nos règles pour façonner une vie remplie de rêves. On avance tête baissée, même si c'est délicat. Ouais, le crime commis, moi j'en vois pas, je vois qu'un délire. On avance à contre-courant, à se noyer seul dans nos peines. On fait nos règles pour façonner une vie remplie de rêves. On avance tête baissée, même si c'est délicat. Ouais, le crime commis, moi j'en vois pas, je vois qu'un délire. Dire ce que j'ai sur le cœur, c'est ce que je me dis en écoutant ces notes. Alors je prends la plume et gratte, et soudain je repense à mes fautes. Je rappe ma vie pour la décrire, t'inquiète, j'ai la méthode. Le rap, une maladie, donc il faut croire que la prod est un médoc. Suffit pas de dire les choses, non, ce qu'il faut, c'est que tout le monde écoute. Je viens écarter tes doutes en exprimant tout mon dégoût. Mais je crache pas dans la soupe, je la bois tellement habitué à peu. J'ai appris à tuer avec un mic, normal que tu aies peur. Le talent vient de chez nous, frère. Viens pas nier les faits, chargé à bloc, t'iras pas loin si ta batterie est faible. Car dans nos rues c'est gore et certains jeunes s'égarent. Faudrait quitter ce décor, mais pour aller où je ne sais pas. En attendant ça kick de la province à Palam. Fais gaffe à toi avec Mista, on n'en voit que des frappes imparables. Tu frappes à long feu, encore moins sous l'averse des mots. On roule à 240, je te préviens si tu traverses tes mains. On avance à contre-courant, à se noyer seul dans nos peines. On fait nos règles pour façonner une vie remplie de rêves. On avance tête baissée, même si c'est délicat. Ouais, le crime commis, moi j'en vois pas, je vois qu'un délire. On avance à contre-courant, à se noyer seul dans nos peines. On fait nos règles pour façonner une vie remplie de rêves. On avance tête baissée, même si c'est délicat. Ouais, le crime commis, moi j'en vois pas, je vois qu'un délire rap. Je vois qu'un délire rap. M-I-S-T-A R-I-F-A, frère, de la province à Paname. Check ça, c'est pour le projet Alliance N-I-R.K. Quartier fédéral 2013.